Radio Télévision Caraïbes, la meilleure adresse des 70 ans du Grand Parc. Waouh! Ça, c'est du compas. Ça aussi, c'est du compas. Ou danser compas, ou rémé compas. Toute génération rémé danser compas. Radio Télévision Caraïbes fait le premier pas pour les 70 ans du compas. Du 21 au 27 juillet, on va parler compas, discuter compas. Tout le monde là-dedans, animateur, musicien, intellectuel, event planner, net club, promoteur. Tout le monde le sait, papa. Tu aimes le compas, tu animes le compas. Et moi, je danse le compas. Oui, maman, ouche, maman. Mais compas, maman. Du 21 au 27 juillet, Radio Télévision Caraïbes, la meilleure adresse des 70 ans du compas. Waouh! Et le compas se porte bien. Bienvenue dans Agora, l'émission où les idées se confrontent et les débats prennent vie. De 12h30 à 14h, Georges Allen vous donne rendez-vous sur la chaîne 22 Télévision Caraïbes pour des échanges passionnants avec les plus grands spécialistes d'ici et d'ailleurs. Un conférencier éclaire un sujet, des débatteurs affûtent les discussions et vous, internautes, enrichissez le débat en direct. Agora, c'est aussi en direct sur le 94.5 FM et sur toutes les plateformes intelligentes de diffusion. Vous souhaitez participer ou réserver votre place? Contactez-nous dès maintenant au 509 31 25 74 84. 509 31 25 74 84. Agora, là où les idées s'affrontent pour mieux construire l'avenir. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. We'll be right back.